nets I give them my river. Saka petrolo come and come as you know. The yellow memo fame, and where I'm big, yeah. Uchima ka super, si la terre, que tu sa pas changer. T'es que besoin, tu vois l'amour, enfant à chambre. Et puis tout ça, ma quête de vie, pas sans appeler. Les soins, pas quitter madame en cala, même si il s'assassin, t'as fait la peine. Elle dit souffert, moi elle a souffert, on s'est porté, et moi elle toujours été. J'ose dire, moi ni assez. Thank you. chez moi pour celle de regarder les désir tomber à dans ta main. Nous rêver, regarder qu'on nous a mis dans les yeux. Nous pas te savoir ça pour dire ni ça pour faire. L'amour pour nous pas regretter. Vini plus près pour nous causer. Faut bien nous parler de la vie, c'est ça qui est important. C'est là où est tout tes vrais jours. Quand tout petit monde a signé la terre, ouais, ouais. Mais pour cette mise à fait pauvreté, yeah. La maman toujours. Maman toujours prend un bout de l'aide. pas changé. Non, même si l'orage l'a venu de l'air, moi toujours dit pour l'amour, mon ennemi. Depuis le premier jour à moi, ouais. Thank you.

toujours mené l'amour. Nous voit pour pervasser. C'est pas les qui fait chimer. Sacré.

Thank you. pâté doué sorti. Skel qui savait dans la que j'habite. Mais ça ou pas trembler, ni la quête. Même pas docteur, moi c'est un moi. c'était très cher. Et d'autres fois c'était trop loin. Faut pas ou jamais quoi. L'amour nous t'a faibli. Qui peut bien qui faibli. Toujours plus belle pour moi. Et si des moments où pas